Chapitre 58e. Le bon bourgeois parisien. Mac Binkerton entra dans le bureau de Paulin Broquet, jetant rapidement de tous côtés un coup d'œil rapide et inquiet. Puis, avisant derrière le bureau Paulin Broquet, qui se tenait debout, attendant, il alla à lui. « Monsieur Paulin Broquet, n'est-ce pas ? » demanda-t-il, parfaitement. « Ah, je suis heureux de pouvoir enfin faire votre connaissance. Je suis enchanté également. » Les deux hommes se serrèrent fortement les mains, les secouèrent avec une vigueur qui témoignait de la sympathie, de la grande admiration que l'un pour l'autre, affirmait-il, professait hautement. Par discrétion, et pour ne pas troubler cette minute de première entrevue, cette entrée en relation, Lamorce et Gabriel s'étaient écartés. Ils se tenaient dans la pénombre d'un angle de la pièce. Mac Binkerton, s'il avait aperçu leur silhouette en entrant, s'était trouvé toutefois dans l'impossibilité de les distinguer, même de reconnaître Lamorce, son cher confrère, son ami de Londres. Sans cela, certainement, Mac Binkerton serait déjà allé à Lamorce, lui resserrer la main. Paulin Broquet se rendit compte de cela. Aussi s'empressa-t-il de dire à Mac Binkerton « Le hasard, ce bon collaborateur des policiers, fait bien les choses ce matin. Nous devons le remercier car précisément, au moment où vous venez me voir, il a fait se trouver dans mon bureau un de vos collaborateurs, de vos amis. Le voilà, là-bas, dans ce coin. C'est mon lieutenant, Lamorce. » Vivement, Mac Binkerton se tourna vers Lamorce qui s'avançait. Il y eut là encore des shake-hands à détacher les bras des épaules. Paulin Broquet ensuite présenta son premier lieutenant, Gabriel, et la conversation s'engagea entre les quatre hommes. Paulin Broquet remercia cordialement le grand détective anglais de l'appui qu'il apporta à Lamorce lors de la mésaventure du capitaine de la Rochardie et se déclara prêt à rendre à son obligeant confrère le service dont il avait besoin. « Précisément, dit Mac Binkerton, je vais être obligé de faire appel à votre bienveillant concours. Je vous serai tout dévoué. De quoi s'agit-il ? Voilà. Je suis chargé, comme il m'arrive bien souvent, d'accompagner, de surveiller un voyageur de marque qui part en villégiature. Bien, en France, à Paris même. Parfait. C'est un fils du Raja de Mysore, l'homme le plus riche des Indes anglaises. Le prince Farinma est le fils aîné, le favori du Raja, son idole. Il l'a envoyé en Europe pour parfaire son éducation. Voilà 3 ans qu'il est dans un collège anglais. C'est un garçon de 19 ans très intelligent. Son père veut qu'il connaisse également la France. Le prince Farinma est enchanté du désir de son père, et naturellement, il veut commencer son voyage d'études par Paris. Et naturellement aussi, le jeune prince veut suivre les cours classiques des grands-ducs. Mac Binkerton se mit à rire. « Précisément, s'écria-t-il, cette partie de son éducation a été quelque peu incomplète en Angleterre. Bon, le prince Farinma, comme tous les étrangers, s'imagine qu'il connaîtra Paris quand il aura fait sa tournée dans les bas-fonds de Paris plus ou moins dorés, plus ou moins truqués, quand il aura vu ses pseudo-bouges machinés pour grand-duc et pour étrangers de marque. C'est sa fantaisie. Nous ne pouvons lui démontrer son erreur. Notre rôle est seulement de le protéger dans ses équipés. Eh bien, soit, nous le protégerons. Ça va, merci. Vous me le permettrez, quand j'aurai besoin de votre concours, de vous donner un coup de téléphone. Entendu. » Peu après, le plus grand des détectives anglais se retirait. Paulin Broquet, très cordialement, l'accompagna jusqu'au bout du couloir. Puis, revenant dans son bureau, « Quel coup prépare-t-il » fit-il à ses lieutenants. « Quelles nouvelles machinations ont-ils combinées ? Qu'est-ce que c'est que ce prince Farinma ? Et dans quel but cette tournée de grand-duc et de jeune Raja dans les bas-fonds de Paris ?» Il roula une cigarette. « Avez-vous remarqué, mes garçons, que notre cher collègue britannique a oublié, intentionnellement sans doute, de me dire dans quel hôtel il est descendu et de me faire savoir où le prince Farinma descendra aussi et quand il arrivera à Paris ?»« C'est juste ?» firent les deux lieutenants. « Bon, bon, ça n'a pour le moment aucune importance et nous aurons ses adresses quand cela sera nécessaire. Tu t'en charges, toi, Lamorce. »« Oui, chef. » »« En attendant, Gabriel, tu vas aller trouver le préfet de police et lui demander si, comme il est dans les habitudes protocolaires, avis lui a été donné de la prochaine venue à Paris du prince Farinma. Puis, tu lui demanderas de bien vouloir s'informer auprès de Scotland Yard, de la surveillance organisée autour du prince, et de nous renseigner exactement sur le rôle de notre cher collègue Mac Binkerton dans cette affaire. » Après avoir donné rendez-vous à ses hommes chez lui dans la soirée, il prit sa canne, mit son chapeau et se retira. Il était étrange, en effet, que la police parisienne ne fût pas informée déjà de la venue du prince, même voyageant incognito. Paulin Broquet avait, on s'en doute, des accointances dans les principaux hôtels de la capitale. Il avait organisé un service spécial de surveillance et établi une sorte de brigade, appelée Palace Brigade, qui surveillait ces caravansérails de haut luxe où descendent les millionnaires et par conséquence leurs satellites, les plus habiles rats d'hôtel, les plus notables rastaquaires. Le détective voulait se renseigner sur les hôtels de la rue Driboli, de l'avenue des Champs-Élysées.